Laval et tout le personnel du restaurant Au Machinois du 1005 boulevard Sacré-Cœur à Saint-Félicien vous souhaitent de joyeuses fêtes. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant cette période de festivités. Nous vous invitons à ne pas oublier notre buffet à volonté à chaque midi et soir de semaine. Et visitez aussi notre page Facebook, le restaurant Au Machinois, 1005 boulevard Sacré-Cœur Saint-Félicien, au 88-679-3339. L'équipe de Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, souhaite de joyeuses fêtes à toute la population ainsi qu'à sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année qui se termine. Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, 118 rue de Quin, Dolbeau-Mistassini, 418-276-8724. Gagnon Hébert, arpenteur géomètre, vous offre un service à la mesure de vos droits. Ici Pierre-Luc Martin de la Ligue GMS. Au nom du conseil d'administration de la Ligue GMS, j'aimerais souhaiter joyeux Noël et bonne année aux joueurs, parents, entraîneurs et tous les bénévoles de la Ligue. Nous vous remercions de l'intérêt et du temps que vous mettez pour les activités de la Ligue. Joyeuses fêtes et soyez prudents pendant cette période de festivités. Le personnel et la direction de Dolbeau Oxygène souhaitent joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Oxygène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Oxygène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Ici Marie-Claude Tremblay, directrice générale de la Caisse des Jardins du Nord du Lac-Saint-Jean. Et Luc Girard, directeur général de la Caisse populaire des Jardins et Plaines Boréal. Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous remercier chaleureusement de la confiance que vous nous témoignez. Au nom des dirigeants et du personnel de nos deux caisses, meilleurs vœux de bonheur, santé et de prospérité pour la nouvelle année. Et qu'elle vous permette la réalisation de vos vœux les plus chers. À tous, joyeuses fêtes! On va parler avec notre ami Joe Hardy. Salut Joe. Salut, jeune homme. Ça va, Joe? Ça va bien? Ça va bien, toi? Yes. Le temps des fêtes. Ah. Toi, ça va bien? Le Canadien a gagné, ça doit bien aller. Ben, on prépare la coupe, là. On prépare le défi, la parade. On va la préparer pour le mois de juin. Non, mais blague à part, c'est le voyage dans l'Ouest, c'est le voyage le plus déterminant. Sauf qu'à quelque part, moi, Joe, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, je pense que... Un club qui gagne, qui joue pour 500 ou à peine 500 à domicile, peut pas espérer participer aux séries éliminatoires. C'est-à-dire qu'il faut faire attention. D'abord, un voyage le plus important. T'sais, toutes les games sont importantes. Ils peuvent jouer dans l'Ouest puis gagner, mettons, leurs 4 games dans l'Ouest, puis même les 3 autres en gagner 7. Là. Mm. Mais en même temps, exemple, si on prend hier, ils ont gagné, c'est une bonne chose. Sauf que toutes les équipes alentour d'eux autres ont gagné. Ouais. Fait que, tu sais, ça change rien. Deux, ça peut-être que ça peut devenir un voyage très important, mais ça dépend toujours de ce que les autres font aussi. Mm. Tu sais, à quelque part, tu peux gagner toutes ces games-là, mais si tu reviens dans l'Est, puis tu n'en gagnes pas une pendant 6-7 matchs, c'est au même point. Fait que, tu sais, c'est comme à chaque mois, ce qui me fait rire, c'est que chaque année, ils nous disent, ça prend 98 points pour faire les séries, ça prend 96, regarde, là. Il faut attendre. Là. Ça dépend comment ça va se passer avec les autres équipes. Mais encore là, pour revenir à ce que tu dis, pour la jouer à maison, j'entendais ça hier aussi là, à propos de d'autres équipes à Sportsnet. C'est sûr. C'est pas c'est des... Le hockey, je pense que j'en ai déjà parlé ou j'en parlais ici à Québec à un moment donné. À chaque année, là, si tu regardes la saison d'une équipe de hockey, prends le Canadien parce que c'est l'équipe qu'on connaît, chaque année, toutes les mêmes choses reviennent. À un moment donné, ton gardien ne fait pas les arrêts. À un moment donné, tu joues bien, mais tu ne gagnes pas. À un moment donné, tu as 5 ans, 40 lancés par game, et puis ça ne rentre pas. Puis là, tout le monde se met à scorer des buts. Les Canadiens, au début de l'année, scorent des buts. C'était pas normal qu'ils en scorent autant. Fait que, tu sais, toutes les mêmes choses reviennent. Alors, tu prends des mauvaises pénalités. T'sais, à un moment donné, le Canadien dit « Ah, on prend des mauvaises pénalités. » L'attaque à 5 ne marchait pas. D'un coup, là, ça se met à marcher. C'est 4 contre 5 qui ne marche pas. Fait que c'est toujours les mêmes séquences. C'est pour ça que, surtout dans le hockey professionnel, les joueurs, des fois, les gens pensent que les joueurs prennent pas ça à cœur. Mais tu sais, c'est comme dans la série de défaites du Canadien. Mm. On sait très bien qu'il n'était pas pour toutes les pertes le reste de l'année. Là, alors, à quelque part. Alors, tu peux peut-être pas jouer pour 500 chez vous, mais si tu joues pour 850 sur la route, c'est quoi la différence? Ouais, mais... C'est ça que je veux dire. C'est que, non, mais il n'y a plus rien maintenant dans le hockey. Moi, j'ai dit vendredi... à des amis ici. J'ai dit, la pire game qu'ils ont joué dans les dernières games, ça va être la game de demain en parlant de contre les Red Wings. Les gars, Détroit, ils n'ont pas d'équipe. Mm. Non, ils sont dans la Ligue nationale, Détroit. Là. Ils sont pas, c'est pas une équipe qui ont pris Détroit pour dire qu'ils sont dans le Junior B puis ils vont jouer contre Canadien demain soir. Mm. Ils sont dans la Ligue nationale. Il y avait 12 défaites en ligne. Mm. Ils venaient de battre Winnipeg. Là. Alors, ils étaient dus pour gagner une coupe de match en ligne. Mm. Fait que, tu sais, à quelque part, là, moi, je pense que d'abord, un, ils ne joueront pas pour zéro chez eux. Ils vont en gagner, mettons, 2 sur 5. Mm. Fait que ça route. Mais ça route, ils peuvent se mettre à paix. Le Canadien n'a pas toujours été une équipe championne sur la route. Là. Non, c'est sûr. T'sais, ils vont se mettre peut-être à mal jouer sur la route aussi. T'sais, c'est un total. C'est à la fin de la saison que tu évalues ça. Là, mais le mois de novembre, écoute, le mois de novembre, le Canadien avait un calendrier très facile et on n'a pas profité pantoute. Là. Ouais, en même temps, tu sais, je te dirais que tu as raison, là, qu'il y avait. Mais ça, le calendrier facile, c'est que toi puis moi qui regardons ça, OK? Mm. Quand tu es dans le milieu, moi, je me rappelle même en dernier, là, j'essaie de me rappeler les derniers moments que je coachais junior. Tu sais, on est tous portés de regarder d'avance, hein, de dire, OK, là, on commence tellement cette game-là, normalement, on devrait gagner l'autre, moi. Ça marche pas de même. Tu sais, je viens de te donner l'exemple de Détroit. C'est sûr que l'autre junior est rentré dans la chambre et a dit, regardez, ils viennent de battre Winnipeg. Mais les gars, ils lisent le journal. C'était la pire fiche de la Ligue nationale. Oui, normalement, tu devais toutes les gagner, ces games-là. Tu sais, j'entendais l'autre soir, après la défaite contre Détroit, dire, ah, ils battent les bonnes équipes. Mais comment ils battent les bonnes équipes? Tu sais, les équipes qu'il y a là, à l'entour du Canadien, il n'y a pas 32 points de différence. Là. Ouais. C'est toutes des équipes du même calibre. On a exception Washington, on va dire, puis Boston qui ont un petit brin d'avance chez les autres. Mais exemple, là, hier, Michel Bergeron disait, « Hey, ils viennent de battre Washington chez eux. » Ouais, mais il n'y a pas personne qui a dit que la veille, il avait joué un gros match. Ouais. Un match physique en plus, la veille. Fait que, tu sais, le Canadien est arrivé là, ils ont pogné par surprise. C'est tout le monde peut battre tout le monde, là. Ouais. Ça, c'est sûr. Ben, que la preuve de Troyes avait 12 défaites consécutives à un moment donné. Ouais, puis ils ont battu Winnipeg. Ouais. Je veux dire, ouais. quelque part. Mm. Fait que, moi, quand le Canadien perd, j'écoute à l'occasion, là, pour 2 jours, mettons, JC, puis. mais tu sais, t'écoutes ça, puis ça n'a pas de bon sens, là. Ouais. Ils peuvent pas tous les gagner. Puis, tu sais, toi, t'écoutes qu'ils vont être bons dans 5 ans, puis blablabla. Ben, j'ai fait une entrevue parce que, tu sais, je suis en plein podcast, je suis en plein production d'entrevue, plus que d'habitude, parce que j'ai beaucoup plus de publicité que d'habitude. OK. Pour le temps des fêtes, je suis en train de faire. Et j'ai fait avec un gars qui fait des. Qui évalue le talent, puis il connaît beaucoup le recrutement, puis les espoirs, puis ainsi de suite. OK. Romanov, là, qu'on nous le vante à tour de bras, lui, il le voit comme un Alexis Emeline. Moi, donc, j'ai parlé à un dépisteur, moi, qui m'a dit que Romanov, c'est pas un top 4, là, dans la Ligue nationale, pas pour l'instant. OK. C'est un bon joueur de hockey qui va peut-être jouer. Je dis, je suis pas sûr, c'est pas Larry Robinson. Là. Non, c'est pas Bobby Orr. Il me l'a mis comme Alexis Emeline, puis Mathieu Snellinder, qu'on n'arrête pas de nous le vanter depuis le début de la saison en Suède, qui fracasse toutes les ligues, puis il est trop fort pour la ligue. Sais-tu que il joue en deuxième division en Suède? C'est même pas première division, là. C'est comme Coffey. Coffey, il a 12 buts en 18 matchs universitaires. On va dire comme le gars, là, tu sais. Il y a un paquet de gars qui ont fait ça, l'universitaire, là, d'arriver puis scorer 22 buts en 20 matchs. Là. Ça, moi, m'a dit une chose qui m'a fait... C'est drôle que tu me parles de ça, c'est que je regardais hier, je pense que je regardais le match Tampa Bay, mais j'ai dit, tiens, moi, regardez l'alignement du Canadien. Là, j'ai pas ça devant moi, j'ai pas pris de notes, là. Mais tu regardes les 5 dernières années de repêchage, OK? D'après toi, ils ont combien de gars qui ont repêché qui est dans l'alignement du Canadien présentement? Canadien, les 5 dernières années, t'as Kéké, t'as Gallagher, fait 5. Gallagher, c'est. Mais dis-moi, j'ai mis Gallagher là-dedans. OK, t'as mis Gallagher, Cale Fleury, Caden Fleury. Ils en ont 5. Ouais, OK. Tu sais, c'est pas beau, là. Mm. Moi, pourquoi je te dis ça? C'est pas parce qu'ils ont fait des mauvais repêchages. Moi, je n'ose pas me prononcer là-dessus parce que. Il y a beaucoup d'équipes qui en font des mauvais repêchages. Ce que je veux en venir, pourquoi je te dis ça, c'est qu'ils nous promettent encore à Montréal, entre 3 et 8 ans, que l'équipe va être bonne. Ben voyons donc, ils n'ont même pas été bonnes dans les 5 dernières années au niveau du repêchage. Pourquoi que les gars qui ont repêché actuellement deviendraient bons, eux autres, tout d'un coup. C'est pas, ben... Je dis pas qu'ils seront pas bons, là. Je vais juste te dire que tu peux pas savoir ça d'avance. La preuve, Kotkaniemi, on en a parlé l'année passée, on en parlait ensemble. Kotkaniemi, moi, je l'ai renvoyé dans la Ligue américaine. Mm. Mais ça, c'est facile à dire après. Mais, il y a pas, moi, je te l'avais dit, j'ai comparé ça à mon cas, à moi, quand je suis arrivé à ma deuxième année à Oakland. J'ai trouvé ça tough, là. Je pensais que j'allais faire l'équipe facilement. Puis ça va être la même chose pour Suzuki l'an prochain et les autres Suzuki de ce monde et de Kotkaniemi. Tu sais, Pauline, là, pas parce qu'il avait scoré 3 buts dans les rings qu'il faisait club cette année. Mm. Tu sais, c'est la Ligue nationale, ça. C'est pas la Ligue Junior B Québec Métro, là. Non, non. Puis ce qu'on dit, c'est que Simon Boisvert dit, c'est qu'il place à peu près les espoirs du Canadien autour de 9-10. Il dit, c'est vrai qu'ils ont des bons espoirs, mais ils ont tellement de quantité que ça va, quelqu'un qui va se dire. Mais, ben tu parles du repêchage, Joe. Moi, ce que j'ai toujours su, c'est qu'un repêchage, il faut au moins que tu aies un joueur qui sorte par année du repêchage. Deux, c'est un bon repêchage. Et trois, c'est un excellent repêchage. C'est le même qu'on évalue ça. Normalement, c'est le même qu'on évalue normalement, ça. Mais en même temps, un bon repêchage, il faut que tu surveilles les équipes qui repêchent à partir du troisième rang. Mm. Tu sais, les deux premiers choix là, de n'importe quelle équipe dans n'importe quelle ligue, normalement, tu tombes très peu souvent parce que c'est les meilleurs. Mais les gros repêcheurs, rappelle-toi des belles années du Canadien, des Lemieux, Roy et compagnie, Richer et tout ça, les choix de troisième ronde, mettons, ça devient des choix importants. Mm. Parce qu'à partir de ce moment-là, tu repêches selon tes besoins. Dans les deux premières rondes, ou surtout la première ronde, tu repêches ce qui est disponible. Tu sais, je regarde aujourd'hui, hier, je te dis ça de même en jasant, là. Si le Canadien avait pris Tkachuk, mettons, moi, je l'aimais Tkachuk, mais je n'ai rien contre Kotkaniemi. S'ils prennent Tkachuk, là, au moment où on se parle, il pourrait se servir de Gallagher, qui a le même style que Gallagher, avec 5 pouces de plus, puis il est plus jeune. Alors que Gallagher, on sait qu'il va aller en s'éteignant, le style de jeu qu'il joue, c'est pas facile. Alors avec Tkachuk, admettons, il aurait pu se permettre, dès là, il y a encore une bonne saison, Gallagher, de pouvoir aller chercher du matériel pour lui. Un peu, puis je te parle de ça, mais en venant de m'entraîner ce matin, je pensais à Weber, que j'ai toujours aimé, il y a une grosse saison. Ça serait le temps de le passer. Le CD qui est en reconstruction, là, ça serait le temps de le passer. Il ira en chercher un bon joueur pour lui. Ah, puis le salaire, tu sais. Parce que dans 8 ans, là, c'est vrai ce que Molson nous dit, que dans 5, entre 3 et 8 ans, on va faire la moyenne, mais ça, 5 ans qu'il va avoir une bonne équipe. Sais-tu que Price et Weber, là, ils vont être âgés pas à peu près, là? Non, mais ce que je veux dire, Joe, là-dessus, puis genre, on va faire une pause après ça, ce que je veux dire, c'est que Canadien, là, tu sais, tu joues tout le temps entre 15 et 20. T'as-tu remarqué ça? Oui. Ils vont pas... Ils se maintiennent toujours dans le milieu. Fait que c'est dur de sortir de ce cercle-là. Là. Toujours dans le milieu. Et, en même temps, je te répondrais deux choses. C'est que ils nous disent tout le temps, parce que nous autres, on est au Québec, on suit pas les Islanders, là. Ils nous disent tout le temps, hey, comme Kotkaniemi, là, ça avait pas de bon sens. Tout le monde le voyait premier. C'est ce qu'ils nous disent, les autres, là. J'aimerais ça voir la liste où ce qu'il est. Tu sais, tu peux repêcher des bons joueurs. Il y en a dans la troisième, quatrième ronde. Mais c'est sûr que, rendu 15e ou 16e, tu vas pogner quelqu'un, peut-être par chance, qui va être le meilleur. Mais dans ce que le Canadien a actuellement, qu'on connaît, là, y a-tu des exceptionnels là-dedans? Tu sais, là, faut que tu sois chanceux que, tu sais, Pittsburgh, quand ils ont eu l'année, ils ont ramassé, mettons, Malkin, Le Temps, puis Crosby dans ces années-là. C'est pas tout le monde. C'est pas parce qu'ils ont fini dernier tout le temps, là, mais il y a de la chance à travers ça. Ben, Pastrnak à Boston, qui est 26e, puis bon. Juste après que le Canadien a pris Nikita Sherbak. Juste après. Tu sais, à quelque part, exemple, Edmonton, ils n'ont-tu eu des premiers choix? Oui. Tu sais, puis ils ont repêché haut, là. Puis ça n'a pas fait grand-chose. Fait que c'est pour ça, moi, quand j'entends M. Molson ou Jeff Molson de son prénom, de dire dans 3 et 8 ans, comment ça, tu sais ça dans 3 et 8 ans? Les exceptionnels, là, tu sais, Canadiens, quand tu regardes ça, puis j'analysais ça en m'entraînant matin, là, dans ma tête en pédalant, tu sais, ils n'ont pas. Le problème qu'ils ont, là, ça revient à ce que tu viens de dire. Tu sais, quand tu repêches pas premier, mettons, ou deuxième, tu n'as pas un exceptionnel entre les mains. Un exemple, je parle d'un McDavid, mais c'est pas tous des McDavid, là. Mais t'as pas. Canadien, c'est une équipe qui se présente, il lâche pas, il patine, il travaille. Mais il n'y a pas un gars là-dedans. Tu sais, je regardais hier Toronto, Buffalo. Tu sais, Jack Eichel, là, tu le regardes aller. S'il y avait un gars de même à Montréal, je pense que le monde capoterait. Là. S'il y avait un Matthews... Mais ça, tu vas chercher ça... C'est un aux cinq ans. Là, ouais, tu vas chercher ça. Exceptionnel. Tu vas chercher ça en finissant le dernier. Puis Canadien, ben, ça fait des années que... qui vont sont pas dans la cave, puis tu y vas, ben tu y vas pas. Si tu décides d'être en construction, tu y vas complètement. Ouais. Tu changes Price, tu changes Weber, puis tu recommences. Voilà. Et si là-dessus, je veux juste ajouter le Price puis Weber. Je parlais de ça récemment à la radio ici à Québec. C'est que Price-Weber, là, moi, je suis pas sûr que le 6 millions ou 7 millions qu'ils ont en banque, ils s'en serviront pas peut-être pour échanger un des deux puis payer la moitié de son salaire pour que l'autre équipe le prenne. Là. Mm. C'est peut-être pour ça que cet argent-là, il ne la dépense pas. Puis ils vont voir rendu aux fêtes ou après fêtes, on a-tu des chances de passer? S'ils voient qu'ils n'ont pas trop de chances de passer, ils vont offrir, je te donne un exemple, c'est pas ça, là, mais Weber à Vancouver, ils vont dire à Vancouver, on va payer une partie de son salaire. Puis ils sont capables d'aller chercher un premier choix. Tu sais, il y a des choix, il va falloir qu'il y en donne tout à l'heure s'il veut en avoir. Tu sais, Kessel, là, quand il nous ramasse, pas Kessel, mais chose qui vient de Taylor Hall, là. Mm. Tu sais, Benjamin, quand il va dire, il aurait écouté. Comment ça, de ce qu'on entend, là, chaque fois qu'un Canadien veut faire un échange, l'autre équipe veut un premier choix. Comment ça fait que Phoenix, Arizona, il ne les a pas coûté cher que ça, Taylor Hall, là. On dit qu'il y a un défenseur là-dedans qui pourrait être top 3. Mais ça dépend toujours, ça dépend toujours comment il va se développer aussi. Là. Et voilà. Joe, on fait une pause, puis je veux te parler de ta déclaration à choix samedi. Max Domi ne signera pas à Montréal. Je veux t'en parler. Je vais l'écouter d'une entrevue avec notre ami Jordi sur les ondes de dernierdesport.com. L'équipe de Polaire 3 souhaite de joyeuses fêtes à toute la population et les remercie de la confiance témoignée durant l'année 2019. Polaire 3 au 373 Avenue de la Friche à Dolbeau-Mistassini au 418-276-5018 ou visitez lepolaire3.com. Pour du plaisir garanti, c'est au club de golf de Chibougamau qu'il faut aller. Que ce soit pour une partie à la journée ou pour devenir membre, le club de golf de Chibougamau est l'un des plus beaux clubs dans la région, avec la qualité des verres qui fait l'envie de plusieurs clubs. De plus, nous offrons la salle pour vos différentes réceptions. Appelez sans tarder au 418-748-4709. Le club de golf de Chibougamau est très heureux de participer à la chronique du directeur général Michel Lallemand et souhaite une bonne année aux différents golfeurs du circuit. Tombe. Les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour HR Block, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouffrance. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez HR Block, 1670 Boulevard Walberg, en face du restaurant. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 418-276-6170. Le temps des fêtes est déjà arrivé et il est grand temps de remercier les gens qui font notre succès. Et l'équipe de Pega Informatique aimerait remercier sa clientèle qui la soutient pendant toute l'année. Pega Informatique se spécialise dans les solutions d'informatique pour le secteur commercial et industriel. Pega Informatique est située au 747 boulevard Vézina à Dolbeau-Mistassini au 418-276-2108. Joe, je sais que tu collabores le samedi avec Robbie Moreau à Québec, puis tu as déclaré que Max Domi ne signera pas à Montréal. Ben moi, je pense que d'abord, je suis pas convaincu qu'ils vont le re-signer. Parce que là, c'est quoi le Max Domi? C'est-tu lui de Phoenix ou c'est lui de l'an passé à Montréal? Ben moi, je pense que celui de l'an passé, il ne faut pas se compter de mentir, il a eu une grosse saison, il a eu une excellente saison, puis il nous a démontré des belles choses. Puis moi, Max Domi, j'aime ça d'en parler parce que c'est un des gars que j'aimais. Lui, moi, je l'aurais pris dans mon équipe n'importe quand, exemple. C'est un gars qui se présente, le quitte. Mais, par expérience de l'avoir vu pas mal jouer avec Arizona, puis des gens, des contacts que j'ai, son attitude, ils n'ont pas laissé aller pour rien, là, Arizona. Là. Mm. Tu sais, quand ça s'est mis à mal aller cette année, on a vu qui était le vrai Max Domi. Moi, je parle pas de son talent de joueur de hockey, là. Attitude. Ouais. Parce que, tu sais, dans le sport professionnel, je te dis ça de même en passant, en ouvrant une parenthèse, dans la vie de tous les jours, mais surtout le sport, il y a deux choses que tu peux contrôler dans ta vie. C'est ton attitude et ta condition physique quand tu es un athlète sportif. Alors, ça, c'est important. Puis son attitude, moi, de ce que j'ai su, pourquoi j'ai dit ça, c'est que je n'ai pas inventé ça moi-même, là, parce que je ne le connais pas personnellement, Domi, attitude ordinaire. Puis on l'a vu dans sa séquence que là, il ne score pas de but, il mange plus la rondelle, tu sais. Il est pas, c'est pas le même joueur. Puis, qu'on le veuille ou non, là, faut pas se compter une menterie. C'est pas un gars de 72, 75 points par année, là. Ça veut pas dire que c'est pas un bon joueur de hockey. Alors, moi, je pense que si Bergevin hésite avant de faire. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on m'a dit, moi, par une bonne source, encore une fois. La raison pourquoi il bougonnait puis qu'il bougonne, c'est que le Canadien, il a pas fait d'offre encore, tu sais. OK. Puis ça le déçoit beaucoup. Mais moi, je blâme pas Bergevin. Toi, tu étais à la place de Bergevin, il ferait-tu un offre tout de suite? J'attendrai. Ben là, exactement ce qu'il fait. Mm. Alors, il faut que quelqu'un il fasse comprendre à Domi, son père qui a l'expérience, de dire « Arrête, là, joue ta game, puis ça, on verra. » Mais tu sais, je pense que lui, il aurait voulu signer tout de suite pour être capable d'avoir le contrat que d'un gars de 70 points. Mm. Mais qu'on sera. Si tu regardes sa fiche à Domi, après sa première année en Arizona, ça a été en descendant. Hein? Fait qu'ils l'ont laissé aller pour ça, probablement. Puis Pittsburgh aussi. Moi, j'étais convaincu que Galchenyuk allait marquer 35 buts. Ben, je te dirais pas 35, mais moi, je suis déçu de voir comment est-ce qu'il joue à Pittsburgh. Ouais. Mais en même temps... Il a le talent pour marquer 35 buts. Moi, j'étais sûr et certain qu'il allait marquer avec Crosby, Malkin, puis qu'il allait tomber dans un... Tu sais, je suis très déçu, mais ce gars-là, c'est à KHL qui va l'attendre avant longtemps. Hein? Oui. Puis, tu sais, à quelque part, quand tu regardes ça, moi, j'ai toujours dit la même chose à propos de Galchenyuk, puis je le vois encore sur une mise en jeu quand il jouait junior majeur. Le gars, il n'a pas eu sa dernière année junior, puis ça l'a fait mal. Il a été blessé, une grosse blessure. Il avait joué trois matchs. Il n'a pas joué, puis il a monté dans la Ligue nationale. Moi, je pense que ce gars-là aurait dû retourner junior, puis un peu comme ils ont fait avec Suzuki, hein, à Vegas. Ben, tu parles d'attitude, c'en est un, justement. Ben, tu sais, de ce qu'on dit, moi, je le connais pas personnellement, Galchenyuk, mais mets-toi à sa place, là. Il a 18 ans, il arrive à Montréal, il fait l'équipe, puis il n'a pas joué au hockey sa dernière. Tu sais, quand je dis ça, il y a quelqu'un qui me dit qu'il a joué sa dernière année junior. C'est-à-dire qu'il était d'âge junior, mais il n'a pas joué, il était blessé. C'est sa dernière année junior, il l'a joué dans la Ligue nationale. C'est ça que ça a fait. Alors, il ne s'est jamais sorti de ça. Puis, de ce qu'on entend, Rutherford veut l'échanger, tu sais. Attitude, probablement attitude ordinaire. Puis, il dit ce qu'il est en forme maintenant, mais peut-être que sa condition physique, les deux choses que je t'ai dit, attitude, condition physique, il manque un des deux peut-être, lui, là. Oui, effectivement. Joe, merci beaucoup pour ta collaboration encore une fois cette année. Joyeuse fête. Santé, je pense que à ton âge, c'est ça qui est le plus important pour toi. Et toi, à mon âge, à mon âge. Ben, tout le monde aussi, là. Parce que moi, j'en ai une de mes amies qui est à 44 ans, puis elle a perdu la santé cette année. Puis je peux te dire affaire, c'est quelque chose, là. La santé, là, il y a rien pour ça, puis ça vient dans les choses que je te dis qu'on peut contrôler, notre condition physique. C'est pas nous autres qui décident de notre santé, mais la condition physique, des fois, ça aide beaucoup. Hein, ça. Ça, on a le contrôle de ça. Ouais. Joe, merci beaucoup pour s'en parler en 2020. Ben, joyeuse fête à toi et tes auditeurs. OK, en 2020, Joe Hardy, collaborateur Joe.